Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. C'est la Coupe Memorial qui se poursuit, qui va se terminer dimanche, la saison de la Ligue canadienne de hockey. Les Titans d'Acadie Batters est en finale. On en parle avec notre collaborateur Yves Bauduc. Salut Yves! Salut Danny! Yves, d'abord, si on parlait un peu, écoute, le Titan d'Acadie Batters, on peut dire mission accomplie, quoi qu'il arrive là, maintenant. On s'est vidé carrément le club, Il y aura, je pense qu'ils n'auront même plus de choix au repêchage jusqu'en 2020, c'est ça? Et 2021, et là, finalement, au moins, on s'est rendu jusqu'à la fin. Là. Oui, ils ont tout donné et leur performance des deux premiers matchs leur a permis de se tailler une place directement à la finale de la Coupe Memorial qui sera disputée dimanche du côté de Regina. Et c'est une formation qui n'avait pas beaucoup de faiblesses. Si je regarde le match qu'ils ont disputé mardi, c'est un très bon match. Par contre, en première période, un petit peu de nervosité. L'enjeu était grand. L'enjeu était de remporter 3 victoires pour s'assurer d'être là quand même. Alors, un peu de nervosité, mais ensuite, c'est revenu à la normale. Et ensuite, on a joué les règles, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils savaient que si ils tenaient les Broncos de Swift Current et à un but, les Bulldogs d'Hamilton à un but, ça leur permettait là, de garder des chances d'accéder à la finale. Ils l'ont fait à la perfection. Moi, ce que je retiens de ce tournoi-là, c'est que ils accèdent à la finale sans grands éclats quand même, là, parce que on n'a pas vu rien de leur gros canon offensif encore. Mm-hmm. C'est encore Jeffrey Truchon-Viel qui a été... 7 points, je pense. Hein? Même plus que ça? Il y a plus de points que ça? Oui, c'est Jeffrey Truchon-Viel qui a été le meilleur joueur du Titan encore une fois. Alors, on n'a pas vu rien là, de Rubstov, on n'a pas vu rien d'Antoine Morin encore. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle dans le sens où ces gars-là peuvent éclater dans un match, là, parce que là, ça sera vraiment là, do or die dimanche dans un match de championnat. OK. Est-ce qu'à la fin de la journée, est-ce que ça va avoir valu la peine de tout vider le club? Je m'explique, parce qu'Acadie Batters, à quelque part, c'est un petit marché. Hein? On a parlé souvent qu'on était sur le point de déménager et ainsi de suite. Mais là, on a vidé le club. Mais est-ce que ça a valu la peine? Parce qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est la concession pourrait déménager. Là. Ben, est-ce que ça en a valu la peine? Ça, Danny, ça dépend toujours de l'objectif des propriétaires. Est-ce que les propriétaires voulaient gagner la Coupe Memorial à tout prix? Voulaient gagner la Ligue, le championnat de la Coupe du Président à tout prix? Je pense que oui. Comme l'ont fait les Tiques de Victoriaville également, puis eux ont échoué en demi-finale. Les Moussets d'Halifax et les Voltigeurs de Drummondville le feront l'an prochain, là, parce qu'il y a déjà des grosses transactions qui ont été annoncées et d'autres à venir là, dans la prochaine semaine. Alors, c'est la nouvelle mode là, de se vider, mais quand on regarde et on analyse les transactions, oui, le Titan d'Acadie Batters n'a plus de choix jusqu'en 2021. Ouais. Par contre, ils vont céder entre 6 et 8 joueurs l'an prochain à d'autres formations, là, entre autres au Saguenay-Chicoutimi et au Moussets d'Halifax. Et en retour, est-ce que les Saguenayens retourneront leur choix? C'est probablement ce qui risque d'arriver. Oui, c'est probablement ça qui va arriver. Donc, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que ça va être Hamilton ou Regina? Je pense, écoute, les Pats qui vont jouer chez eux, on a vu ce que ça vaut l'avantage de la glace, ça vaut pas grand chose, on l'a vu encore cette semaine. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une finale Hamilton contre Batters? Ben, je pense qu'on peut s'attendre à tout parce que les deux équipes auront des objectifs là, différents. Les passes d'Origina, comme tu l'as mentionné, sont chez eux, donc ils voudront l'emporter devant leurs partisans, ils seront sûrement appuyés de par leur foule. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger dans un match là final, un match déterminant comme celui de ce soir. Du côté des Bulldogs d'Hamilton, Moi, ce qui me donne une petite interrogation dans ce tournoi-là, c'est qu'on a vu beaucoup Robert Thomas, puis pas beaucoup d'autres joueurs. Là. On a vu un petit peu Entwistle, mais pour le reste, là, l'entraîneur-chef des Bulldogs là, utilise à profusion Robert Thomas, un peu comme Mario Pouliot le fait avec Olivier Galipeau. Mm. Alors, est-ce qu'il restera de l'essence dans le réservoir de Robert Thomas pour le match de ce soir? Je pense que oui, parce que ce sera l'énergie du désespoir puis l'adrénaline là, qui va motiver ces joueurs-là pour le match de ce soir. Mais les deux équipes là, vont avoir des objectifs. Ça va être un excellent match. Et ensuite, ben la question sera, est-ce que le congé de 4 jours sera bénéfique pour le Titan ou ce sera néfaste en raison du manque d'action? Parce que 4 jours sans jouer, faut planifier comme il faut, puis il faut s'assurer que le focus reste à la bonne place, qu'il n'y ait pas de distraction. Alors, c'est ce qui sera à voir le dimanche pour le Titan. OK. Je veux te parler du côté de ce qui se passe maintenant du côté de Blainville-Boisbriand. Écoute, Joël Bouchard est maintenant rendu l'entraîneur du Rocket de Laval. Daniel Jacob qui le suit. Daniel Jacob qui était pressenti par certains pour remplacer Joël Bouchard, mais il va le suivre. Là, on a parlé hier, j'écoutais au 91.9, on arrivait avec toutes sortes de noms, Bruce Richardson, quelque part, ça prend quand même un nom vendeur. Ben, ça prend un nom vendeur, ça va dépendre de qu'est-ce que le Canadien va faire également, parce que la rumeur là, veut que le Canadien fasse l'acquisition de l'Armada et le déménage à Laval dans la place Belle. Alors, est-ce que Joël Bouchard pourrait, avec ses fonctions, là, toujours continuer de chapeauter son équipe de loin? Ça pourrait être une possibilité. Cependant, moi, je pense que la nomination de Bruce Richardson, c'est une question de temps. Là. Bruce a déjà dirigé dans la Ligue junior majeure du Québec. Il y a 2 saisons avec les Tigres de Victoriaville. Il a dirigé, je pense qu'il en est rendu à sa 4e ou 5e saison avec les Grenadiers de Châteauguay, là, parce qu'il a fait 2 stages. Il a remporté à 2 reprises le championnat de la Ligue. Donc, dans le cas de Bruce, c'est un gars qui est expérimenté. Il a eu quelques ratés à sa première expérience dans le junior majeur, mais c'est un gars intelligent, puis je pense qu'il a apporté les améliorations là, qu'il devait apporter dans sa prestation comme entraîneur, soit dans ses communications avec les joueurs, soit dans sa façon de diriger. Alors, je pense qu'il est prêt à revenir dans le circuit. Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir un gros nom comme derrière le banc de l'Armada? Guillaume Latendresse, tu penses que Guillaume Latendresse pourrait être un choix logique? Ben, Guillaume est un candidat, effectivement, sauf que si tu le compares à Bruce Richardson, il n'y a pas l'expérience d'avoir dirigé une équipe junior majeure. Okay. Oui, il a l'expérience de diriger dans le midget 3A. Il y a eu un succès assez moyen, comme on peut dire. Il a dirigé une bonne équipe, là, mais faut toujours tenir compte que les équipes du Collège Charlemagne, de la région de Richelieu, c'est une région imposante au niveau du talent de joueur. Donc, c'est très, très rare de voir un entraîneur qui n'a pas eu de succès à la barre de cette équipe-là. Alors, est-ce que ça peut être un élément qui pourrait jouer dans la balance? Là, il y a déjà 2 postes qui lui ont glissé sous les doigts, là, soit celui des Voltigeurs de Drummondville qui ont procédé à la nomination de Steve Hartley et également celui des Foreurs de Val-d'Or là, qui ont annoncé hier l'embauche de Pascal Réaume. Donc, honnêtement, là, je ne sais pas si Guillaume Latendresse, lorsqu'il a pris la décision de quitter les riverains du Collège Charlemagne il y a un mois, si c'était vraiment là, pour faire le saut dans la Ligue junior majeure du Québec. Je pense qu'il y a d'autres objectifs, là, entre autres des projets d'aréna sur la rive sud qui pourraient l'intéresser. Là. OK. Parce qu'on parlait aussi de... Parce que lui aussi, rappelle-toi quand Philippe Boucher a démissionné ou congédié, il y en a qui disent même qu'il était forcé d'être congédié, quoi. C'est un congédiement déguisé, c'est ce qui s'est passé avec Philippe Boucher. Lui, il était le premier à lever la main, là. Oui, il a été le premier à lever la main, sauf que comme on le dit, là, c'était un congédiement déguisé. Puis malheureusement, là, Jacques Tanguay est un très mauvais acteur dans ce dossier-là. Tout le monde savait que Patrick Roy revenait. Là, moi, je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, puis ça se concrétisait de plus en plus. Ses présences au match des séries éliminatoires de la Ligue junior majeure du Québec, là, Patrick Roy ne se promenait pas dans les arénas pour rien. Là. Ben non. Alors, c'est Ils ont tout simplement fait durer le suspense une semaine pour pas faire mal à l'image de Philippe Boucher, mais ceux qui connaissent ça un petit peu et qui ont vu la game passer se sont rendus compte assez rapidement que effectivement on l'a démissionné, là, Philippe Boucher. Et lui en est sorti, je pense qu'on peut dire très amer, parce qu'on lui a offert, mes sources me disent qu'on lui a offert le poste de directeur général des Voltigeurs de Drummondville et qu'il aurait refusé catégoriquement, là, même pas passé une entrevue. Là. OK, OK. Yves, bon tournoi aujourd'hui aux Assises de la Ligue Midget 3. On s'en parle la semaine prochaine pour la dernière chronique de l'année, car la semaine prochaine, c'est le repêchage de la Ligue Junior du Québec. Les Saguenay qui parlent au premier rang. Fait qu'on va s'en reparler la semaine prochaine. Oui, jusqu'à maintenant, il parle au premier rang. Ce serait intéressant de voir si Yannick Jean va bouger son premier choix ou s'il va sélectionner. Tu penses qu'il pourrait reculer? Bon, ça pourrait. Ça dépend des offres qu'il pourrait avoir. Je pense pas que les Saguenayens veulent s'embarquer dans un processus de rénovation. Je me rappelle pas du terme qu'il avait utilisé, là, qui n'était pas reconstruction, là, mais je pense pas qu'ils veulent s'embarquer dans un gros processus. Ils ont signé des contrats de 3 ans. Je pense qu'ils veulent gagner là d'ici les 2 prochaines années. Donc, avec l'arrivée de quelques joueurs de Batters en plus l'an prochain, ça serait intéressant de voir s'ils ne pourraient pas se reculer de quelques rangs pour acquérir un autre excellent joueur avec son premier choix et puis sélectionner peut-être en milieu ou en fin de première ronde. Tu parles de joueurs qui arriveraient de Batters. Il y a certaines rumeurs qui disent que c'est Samuel Asselin en serait un. Hein? T'as-tu entendu parler de ça aussi? Ben moi, Danny, là-dessus, ma politique, ça a toujours été de tant que les joueurs évoluent, j'en parle pas. Je connais les noms de ceux qui vont s'amener avec les Saguenayens. J'en ai pas la certitude à 100%, là, mais des sources généralement bien informées là, m'ont confirmé les noms. Je pourrais t'en parler la semaine prochaine si jamais les Saguenayens ne l'ont pas déjà annoncé là, suite à la fin du tournoi de la Coupe Memorial. Mais attendez-vous à un très, très gros nom à Chicoutimi. OK. On s'en reparle la semaine prochaine. Très bien, Danny. Yves Bolduc, notre collaborateur de la Ligue de hockey, Junior du Québec.